70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. J'aurais du classable le moins, moins réduisable ou résumable, sérieux, humoriste et humain. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. 70 et 10 pour 100 pour 100 pour 100. Bonjour. Bonjour, ici Réal V. Benoît et Claude R. Knight, qui, accro tout comme vous, savoure présentement 70 et 10 %. Hey, as-tu vu, Jonathan? Regarde, on a les Beverly Hills Chihuahua qui sont là. Regarde, ils sont partout. Il y a plein d'amis. C'est super. Hein? Parce qu'ils en ont fait un, ça a tellement pogné. Ils en ont fait un deux, c'est tellement bon. On a fait un 3. Et donc, ça l'a fait 1 plus 1 plus 1 donne 3. Le box set de trilogie qui naît. Est-ce que ça touche, toi, la naissance de box set de trilogie, Jonathan Simon? Ouais, ça me touche énormément. Et voilà. Un connaisseur. Toi, Jonathan, t'es un musicien parce que t'as pas une guitare pour le look seulement. Non, c'est ça. OK. Fait qu'avant de te poser des questions, oui? Tu vas jouer une chanson. Oui, c'est une chanson. Avant de chanter une chanson, je vais parler de l'émission. C'est parfait. C'est ce qu'on a seté de même. À soir, j'ai Boudreau pour vous autres. Il faut dire que ça va très mal ces temps-ci. J'ai aussi Giz qui est là. Il va nous parler de tabou. Hein? Ça vaut ce que ça vaut. On a Stéphanie qui est là juste pour visiter. Fred, peut-être qu'il faisait un chaman. Hein? Il sait plus trop. Mais on a surtout l'excellent Bruno Ducorbin qui nous amène des nouvelles comme à chaque semaine. Et notre invité, Jonathan Simon, musicien. Parle-nous de la chanson qui s'en vient. OK, ben la chanson s'appelle « Ma péninsule ». C'est une chanson hommage, entre guillemets, là, au groupe Caïn, parce que je me suis dit, c'est un groupe que leur chanson, je veux dire, les thèmes de leur chanson se répètent un peu, c'est tout le temps l'amour puis tout ça, fait que c'est un peu ça que je vais vous interpréter. Caïn, c'est l'amour. Ouais. Et voilà, à 70%, tu es ma péninsule. Je vais m'asseoir en bas, comme ça on va voir les beaux chihuahuas avec toi pendant que tu fais ta chanson. C'est bon. Je veux te faire l'amour, c'est intense comme feeling. Je vois le paradis à tous les jours, à mon G-string. Peut-être pendant le soir, t'étais juste une amie ou la fille que j'ai croisée à l'épicerie. Qu'importe, à soir, je t'emmène à l'hôtel. Da-dam-dam-dam, wow. On va faire l'amour ensemble. Je vais être ton yang, toi mon ying. Oublie donc la fenêtre de la chambre. Donne directement sur le parking. Le passé est fini, le futur existe pas. L'important c'est le moment présent. Pis que demain matin t'es colissé ton camp. Viens donc dans la nature. Écoute le lit tapé sur le mur. Y'a le vent qui nous caresse. J'viens taper mon record de vitesse. On va couper des arbres, entailler des érables. Pis en faire des manches de deux par mille. Fait que surprends-toi donc pas. Si à soir je m'endors vite, c'est toi ma péninsule. J'espère pour toi que tu prends pilule. Viens caresser le ciel. J'espère que tu t'es drainé le poil. Viens écouter les chanter une toune de marbre. Me suis cogné la tête sur mon clavier. C'est ça que ça a donné. Mais des groupies, j'en ai pas mal. Mon Félix est dans ma... Oh yeah, Simon's in the house! C'est une bonne chum! Et puis, t'as comme vécu les difficultés au début, là. Hey, pas peur, on veut t'entendre. Ouais, non, c'est bon. Merci. Ouais. Hey, ça apprécie. OK, fait que... Qu'est-ce que tu veux dire? J'espère que tu prends la pilule. T'es du genre comme distant, comme lover. T'es plus un gentleman le soir que le matin, mettons. Oh mon Dieu! Je le sais pas. Je voulais quelque chose qui rime avec péninsule. C'est la première affaire que j'ai trouvée, fait que... Bonne job! D'ailleurs, on a planifié seulement une chanson, mais pour moi, tu vas en faire deux dans le show à soir. C'est bon, OK. Il dit que c'est correct. Hey, sinon, on s'est connus surtout parce que toi, tu collectionnes... Non, attends. T'es un hoarder de publicité. Ouais, c'est ça. Je collectionne les vieilles publicités québécoises des années, je dirais. Mais en fait, toutes les années, mais surtout les fin 80, début 90. C'est de la nostalgie qui te fait faire ça? Ouais, c'est la nostalgie, puis c'est comme mes souvenirs de jeunesse. Parce que même quand j'étais petit, quand j'avais comme 4-5 ans, je regardais beaucoup de publicités, puis... C'est ça, il y a des publicités qui me sont venues en tête comme ça, puis je recherche beaucoup des publicités que j'ai déjà vues quand j'étais petit. OK. Puis le feeling jingles, c'est-tu là que tu viens? J'ai l'impression, tu sais, ta toune, genre, les ouais. Jingles de pub, ton amour de la musique. Parle-moi de ça, là, fais des liens. Ben, c'est ça. Les... Ouais. C'est ça, ben les jingles. Non, c'est sûr que les jingles de pub, c'est un genre de publicité que j'aime beaucoup parce que c'est des chansons qui nous restent dans la tête. C'est comme la chanson du clan Panton, par exemple. J'en parlais justement dans ma chanson. Ça m'a fait bien rire aussi. Aller faire des planches de 2x8, là, c'est ouais. Excellent. Puis sinon, ben, tu nous as amené quelques-uns parce que là, j'ai l'impression qu'on ne développera pas en profondeur. Jonathan se laissera découvrir à sa vitesse parce que ma prédiction est en train de se réaliser. On va le voir de plus en plus régulièrement à douteux.tv. Ce nonobstant, j'aimerais ça un petit peu que tu nous parles des publicités qu'on s'en va écouter, là. OK, ben premièrement, j'ai peut-être une des pubs qui a le plus marqué ma jeunesse. C'est une pub de Mae West. Puis des fois, je la chantais dans des parties de famille, des affaires comme ça. Là, j'ai un vieux film chez nous. Est-ce que je me fais filmer au chalet d'une de mes tantes? Puis où est-ce que je chante la chanson? La toune de Mae West. La toune des Mae West, on va la voir d'ailleurs. J'ai aussi une pub de l'Auto-Zodiac de l'Auto-Québec. Ça, c'est une anecdote parce que j'avais comme 3-4 ans quand elle passait, puis bizarrement, Danny Verven, il me faisait bien peur. C'est avec Danny Turcotte, avec ouais, son costume ouais. De Danny Verven, il est dans un bain, puis c'est... elle me faisait bien, j'allais me cacher quand ça jouait. Oh, shit, hein? Ah, puis là, ben, on fait la paix tranquillement. Ouais, c'est bon. Une coupe de thérapie, puis c'est... On va faire face à la peur. Maintenant, je vais peut-être pouvoir m'en approcher un peu, je ne sais pas, là. Ben, il n'existe plus, hein, je pense. Il ne le refait plus trop souvent. Non, pas trop souvent, non. Est-ce qu'on s'ennuie de Danny Verven? Ben, un peu. Pas trop souvent. Pas. OK, on a des oui là-bas. Donc, à chacun son Danny Vervenisme. Rendu là, ben, let's go VJ. Pace play, on va te regarder pour le reste de l'émission. Hein. On est à 70%. Là, on commence les vraies valeurs à partir de là. Merci à Jonathan Simon qui va rester pas loin. Toi, tu restes assis ou tu vas pisser puis tu reviens. On est à 70% sur douteux.tv, la télé des Chihuahuas de Beverly Hills. Mmh. this dream where I relished the fray. Arrêtons-nous pour nous rafraîchir. Le Seigneur est divin, il a changé notre eau en vin. Nous, au vin du Seigneur, c'est pas du vin, c'est du vin. Eh oui, vous pouvez maintenant changer votre eau en vin. Nous, on le donne, le secret. Alors venez nous rencontrer et demandez pour les divins connaisseurs au vin du Seigneur, le plus près de chez vous. Coucou! Avez-vous vu une loterie du Zodiac? Moi, c'est poisson. C'est un signe d'eau. C'est pas fou parce que j'allais pas ça me laver la tête. Les poissons sont sensibles. Je regarde une planche puis je pleure. Aimable, intelligent, non? Avec Zodiac de l'Auto-Québec, la chance vous fait signe. Égoïste, prétentieux? Ben voyons, j'aime bien mieux mon billet de Zodiac. Bye bye! Ruffles, croustillant, succulent, tentant. Qui n'aimerait pas mieux des Ruffles? Il y en a qui prennent des petits bonbons et d'autres des imitations. Mais méfiez-vous, moi je vous le dis, car sans Clorox, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. C'est plus que du bonbon, pas de copie d'imitation. Prenez Clorets, moi je vous le dis, car sans Clorets, vous pourriez avoir l'air de votre haleine. Clorets, mais allez, c'est vraiment plus que du bonbon. La rousse est douce. La nouvelle bière rousse de Molson O'Keeffe. Est douce. Ouais. Plutôt que est douce. Non, non. Il y a les crèmes fouettées. Il y a les choux à la crème. Mais il y a rien comme la crème du Midwest. Il y a la crème renversée. Il y a la crème à raser. Mais il y a rien comme la crème du Midwest. Il y a la crème de menthe, il y a la crème brûlée. Mais il y a rien comme la crème du Midwest. Il y a la crème de beauté, il y a la crème glacée. Mais il y a rien comme la crème du Midwest. Il y a la crème des hommes, il y a la tarte à la crème. Mais il y a rien, mais il y a rien comme la crème du Midwest. Comme ça, Couche-Tard aurait la solution à nos problèmes d'économie. Oui, il y a du nouveau. Couche-Tard, c'est maintenant des dépannes escomptes. Eh oui. Belle Pepsi, pas cher. Des dépannes escomptes, ça vend des prix de supermarché. Non, mais ça va. Il y a rien de crèche là-dedans. Que voulez-vous? Et c'est une entreprise de Chidou. Par une fois, on est tous d'accord. Des panneaux Couche-Tard, des panneaux escomptes. On dépanne aussi l'économie. À colorer le laisser gay. À mélanger le laisser gay. Ça nous plaît. Tout en couleur, du lait c'est gay. Pourvu qu'il se rappelle à Noël que les diamants sont éternels. Offrez-lui une superbe montre cocktail à diamants Bénissong à 50% de rabais sur le prix détail suggéré du fabricant, 79,99$. S'il me reste un 2 après Noël, j'aimerais un portefeuille neuf. Faites plaisir avec un portefeuille Boxton en cuir irritable pour hommes ou femmes. 50% de rabais sur le prix détail suggéré du fabricant, seulement 12,99$. Des vêtements, des produits de beauté, des discounts. Sur douteux.tv, le manchet international, avec Bruno Corbin. Je vais cacher mon logo de bière, personne ne sait que c'est de la pas Carlsberg. Alors, on y va tout de suite. Un Néo-Zélandais de 19 ans qui est en résidence surveillée depuis 10 mois a demandé d'être transféré en prison parce qu'il était tanné de jouer au Xbox. Le jeune homme aurait passé au travers de sa collection de jeux et souhaitait, semble-t-il, faire autre chose pour se désennuyer, comme aller en prison. A-t-il passé quoi? Sacrément! La prison de Ngawa, où il est maintenant confiné, est équipée de Xbox et de PlayStation, en passant. Sinon, il aurait choisi... Il aura tout le loisir de ne pas y jouer. Un gars de party a été arrêté pour avoir fait tomber 4 toilettes chimiques, s'être dénudé et avoir lancé son urine sur des gardiens dans un parc national de Litchfield. Il s'est fait offrir le choix entre 3 mois en prison ou 2 ans sans alcool. Après avoir... Et on voit la gueule du champion, même. Ah oui. Après avoir tenté de ne pas boire l'alcool, l'homme a été arrêté pour avoir violé sa probation et il a demandé au juge de le mettre en prison à la place, histoire qu'il puisse retourner à sa vie de gars de party avec ses amis, affirmant que... Dans 3 mois seulement, parce que la punition, c'est bien important. Oui, c'est ça. C'est pas changer l'attitude qu'il faut, ouais. C'est payer sa dette à la société. La vie ne vaut pas la peine d'être vécue sans alcool. I'll drink to that. Hey, c'est fabuleux, ça, man. Ça commence bien, Bruno, cette semaine. Tu trouves? Ben oui, ça n'est deux belles, ça. Ah, d'accord. Alors, Antoren Bell voulait voler une voiture. Il a arrêté un homme sur la route et l'a menacé d'une arme à feu afin de voler sa voiture. L'homme a laissé sa voiture à Bell, qui a dû l'abandonner un peu plus loin, se rendant compte qu'il ne savait pas conduire manuel. Oh. Ça, c'est dommage. Ça, c'est plat. Bell reste en prison au lieu de payer sa caution de 400 000 $. Un héros dont... Hey, c'est pas pire, ça. Ça finit tout le temps bien, pareil, les histoires de chars volés. Oui, hein? Ça fait tout le temps des héros très conséquents et très importants. Comment tu vis ça, toi, le Canada, sa fête et tout? C'est quoi, ça? Le Canada, c'est... c'est une tentative multiculturelle, là. C'est... un lieu inclusif ou qui te donne un passeport. Ah! Oh, oh, Canada! Ouais, le pays. Ah, ok, le village. Ouais, ça aussi. C'est ça, ok, c'est bon. Oh, la place, c'est qu'on mène au temple. Ouais, ouais. Excellent. J'ai pas tout compris, mais j'ai l'impression que ça te tente plus d'en parler. Parce qu'il est allé en camping en fin de semaine. Ouais, oui, c'est ça. Avec des Amérindiens. Ouais. Ben, en tout cas, on m'a fait comme d'habitude, là, puis m'a mettre du Tragic Leap quand c'est la fête du Canada, parce que maintenant, on peut. On va écouter My Music at Work, puis on revient pour d'autres émissions, pour d'autres nouvelles, puis d'autres chroniqueurs. J'ai l'impression que ça va être Mathieu. C'est ça, Bruno, hein? Ouais, ça va être probablement Mathieu, parce qu'il est juste là. Chut-tit. Et voilà, Mathieu est prêt. Excellent. À 70%, là, vous êtes habitués. Vas-y, danse, Bruno. C'est ça. Yeah. bleak. It's the middle of the night. You're all alone, and the dummies might be right. Outside the darkness lurks the music that works. My music that works. We're all in Heidelberg. My music that works. The middle of the earth. My music that works. I'm out without concern. My music that works. My music that works. My music that works. Alors, où tu suis mon chemin? Ou tu restes en dehors de mon chemin. Une des deux options te laisse au fond d'une impasse avec l'empreinte de ma botte sur le cul. Ça revient souvent dans votre bouche. Sur un toit où il y a une piscine, on s'imagine bien que l'été, il y a des gens qui se baignent. Salut Tommy! Hey, salut Mathieu! Salut Bruno! Hey, salut Mathieu! Ouais! J'aime bien la chanson qui vient de passer, là. Ouais. Je mettrais ça toute ma vie, moi, avec de la grosse distorsion, là, dans des écouteurs super serrés. Des shockwaves. Des shockwaves. Deux. Hey, j'ai vu, en m'en venant, j'ai vu un poster de film de L'Exorciste. Tu sais, L'Exorciste. Le dernier Exorciste 2. Ouais. Ça me fascine. Cette semaine, j'avais besoin de changer d'air, tu sais, de m'évader. C'est fou ce qu'on peut faire avec une petite cuillère, hein? tout le monde me faisait chier. Mon voisin, il préparait son déménagement, tu sais. Bonjour, super poli. Auriez-vous des boîtes de carton? Hey, le quêteux, tu sais, la soupe du jour, c'est la soupe aux dents. Puis si t'arrêtes pas de m'écœurer, c'est un 2-1, hein? Non, mais qu'est-ce que tu veux que je t'aide? La police, sont nerveux ces temps-ci. Baisse ton gun, je suis le tabarnak! Non, mais c'est qui à un moment donné qui va l'arrêter, le petit gros, le gros singe sur l'Empire State Building, hein? C'est pas tes petits hélicoptères de tapette certains. Ça, il n'y en est pas question. Mon fils, il est en période de questions, tu sais, c'est un enfant. Papa, pourquoi je vais pas à l'école? Pourquoi les oiseaux n'ont pas de fesses? Pourquoi sur ma boîte de céréales, c'est marqué « Bon pour les chiens de 2 à 5 ans? » Là, t'as le goût de fesser, t'sais, mais en même temps, d'y expliquer. T'sais, c'est comme... T'sais, l'école fiston, c'est une usine à con. Ils ont pas de fesses parce qu'ils ont été punis par Dieu. parce que la bouffe à chien est en spécial. T'sais, c'est... C'est quand que ça arrête de poser des questions à un hostie de flow? Fait qu'il y a un de mes chums. Il m'a dit « Ouais, il y a un festival de folk en fin de semaine. Il va y avoir des hosties de bombaines à Québec Redneck, Lemon Bucket Orchestra, de la dope en masse, de la boîte pis de la plotte. » Tu sais, y a-tu une meilleure manière d'oublier ta souffrance quotidienne qu'en allant te geler la face trois jours dans un coin perdu au Québec? Je ne pense pas. Parle-moi pas de prendre ça relax, dormir, lire un bon livre. T'es pas de même. Non, ça t'aide pas, en plus. Non, ça te stresse. Ça m'énerve. C'est lire un livre, sti des mots un après l'autre, tabarnak. Tu me prends pour quoi? Ah oui. Hein? Ben, si on veut ta concentration, on te paye. Ça a été mis au clair. Moi, je suis pas artistique, je suis plus mathématique. Acide plus extasie égale tout le monde tout nu dans la boîte, vomir sa vie sur une gang d'inconnus. T'sais. Vive la nature, ça fait sortir le méchant. Je suis revenu complètement neuf. J'ai le goût d'investir. Quelque chose de nouveau. T'sais, j'ai fait un petit peu de tout dans ma vie. Je sens que j'ai besoin de nouveaux défis. J'hésite un peu. Je ne sais pas si c'est me fabriquer un rayon de la mort ou une armée de mutants à partir de ma propre ADN. Les pour et les contre sont nombreux, Tommy. Moi, comme je te connais, je te vois plus rayon de la mort. Non, mais des zombies mutants avec des rayons de la mort, tu sais, c'est parce... Ouais, mais t'as de la misère à te sentir, puis ça serait tout détoué. Un projet à foi, fais pas comme Pat la France, là. Ah, ouais, ok. Oh, excellent conseil! Que je conseille à Patrick? Ne plus faire comme Pat La France. Ben voilà, Pat. Sinon, ben c'est le 1er juillet aujourd'hui, hein. Puis pendant que tout le monde célèbre le glorieux Au Canada d'amour, hein, qu'on se réunit pour fêter l'ancien meilleur pays du monde, tu sais. L'ancien meilleur pays du monde, c'est important de le dire. Au Québec, on déménage. Puis quelque part, c'est un peu notre manière de te dire « fuck you, envahisseur de marde », tu sais. Rossal de Chris. Toi, pendant que tu célèbres la gloire d'un pays meurtri par l'entreprise capitaliste, nous, on sort les vidanges, puis on change d'air, tu sais. Il y a quelque chose... tu sais, il y a quelque chose de poétique là-dedans, tu sais. Ben, c'est la vie, hein. Ouais. C'est ça, la vie. Moi, ça me touche, ces affaires-là, Tommy. Selon Wikipédia, hein, au grand de mémoire collective, la coutume des déménagements au printemps, là, ça remonterait au 18e siècle, ça. Fait que ça fait longtemps qu'on essaye de s'en crisser du Canada, t'sais. ça fait un bout, là, tu sais. C'est le 40e anniversaire des déménagements le 1er juillet cette année, par exemple. Ça a commencé en 1973. Ah, peut-être, oui, 1er juillet, oui, parce qu'avant, c'était le 1er mai, t'as raison, ouais. Ouais, c'est comme ça. C'est, oui. Moi, j'ai pas ben ça, la fibre patriotique, Tommy. J'ai fait assez de contrats pour le gouvernement, hein, pour savoir que c'est l'entreprise privée là, qui mène le monde. Puis que la politique, ben, c'est juste là pour te faire shiner l'intérêt économique. Ouais, je comprends. Ben, ça prendrait une joke, là. T'sais. Ben, je pense que c'est pathético-comique, tout ça. Ouais. Ben, j'en ai une, en tout cas. Ouais. On va apprendre. Ben, non, c'est parce que je fais ça dans mes temps. Je fais ça des fois, des jokes. Ben, je vais t'en faire une. Une fois, hein, c'est pète puis répète. Deux banquiers qui sont dans un bateau. Pète tombe à l'autre. Pète tombe à l'eau, excuse. Qui est-ce qui reste? Répète le banquier. Non. En fait, personne, parce que le bateau, c'est le Titanic. Puis que, répète, hein, a voulu laisser sa place dans le canot de sauvetage à une jeune femme avec un enfant, tu sais. Ben non, c'est pas vrai, là. Il a freaké ben raide, il a vu qu'il y avait rien à faire, puis s'est calissé une balle, là. Ça, c'est un geste de bravoure et de solidarité sociale que je conseille à toutes les mal intentionnées de la Terre, hein. Ça, tu sais. Ouais, en terminant, ben, conseil, parce qu'on a du fun, bien manger. Hein? Bien dormir. Puis la boue, c'est bon pour la peau. Mais quand je te connais pas, puis qu'après ta deuxième phrase, tu te crisses tout nu pour me montrer à quel point t'as de la vase partout, j'ai pas le choix de me dire « La dope au Québec est bonne en tabarnak. » Vote pour moi, est un esti de problème. Merci beaucoup, Mathieu. Ça m'a fait plaisir. J'ai eu l'impression que ça t'a fait du bien à toi ouais, aussi. Ouais, c'est ouais, une grosse fond, fin ça. De semaine. Ben, tu sens encore un petit peu la grosse fin de semaine, là. Et voilà, à tous ceux qui vivent les grosses fins de semaine, et puis on s'en va écouter d'ailleurs une toune sur un bateau qui coule. C'est une toune de Tragic Lip, tu sais, tu m'as inspiré, là. J'ai comme mis tous mes clips préférés de Tragic Lip. Tragic Lip, c'est bon. Mais c'était ça en prison. Elle me faisait tatouer vers des lames de rasoir. Fait que ça, c'est une histoire d'un bateau qui a coulé. On est à 70%, puis on revient faire la même affaire, mais différemment. Where I relished the fray. And the screaming filled my head all day. It was as though I'd been spit here, settled in into the pocket of a lighthouse on some rocky socket off the coast of France. But an afternoon for a thousand men tied in the water here. And 500 more are thrashing madly as parasites mine in your blood. Hey, salut Tommy! Salut Gaze! Comment ça va? Je vis des moments quand même assez particuliers, là. Ben écoute... C'est à date, c'est une très très très très belle journée. Je suis content d'être là avec toi, ben... joyeux Canada! Non mais c'est important que je le dise, c'est dans vrai, mon segment, tu sais, si je veux m'en rappeler un jour. C'est vrai! Nous le sommes tous, d'ailleurs, joyeux Canada à tous les Canadiens! Et à tous ceux qui aimeraient l'être. Et c'est ça, et à tous ceux et qui... aujourd'hui, tout le monde est Canadien. Ben oui, ben moi, j'ai fêté le Brésil quand ils ont gagné leur je sais pas quoi, quand ils ont klaxonné cette nuit, puis je vais fêter l'États-Unis le 4 juillet. Je sais pas quoi. Non, mais tu sais, quand ça se met à klaxonner à Montréal, tu te dis qu'il y a toujours un peuple quelconque qui a gagné un sport quelconque. Et c'est pas mal, ouais. Ça doit être de même un petit peu partout. Sur. Trêve de racisme. Écoute, Tommy, j'ai fait une découverte dans ma propre collection cette semaine, par hasard, parce qu'il y a un gars que j'aime beaucoup sur YouTube qui a fait une capsule qui s'appelle The Angry Video Game Nerd, que vous connaissez probablement tous, qui a sorti ce jeu-là, qui s'appelle Tabou, le sixième sens. Moi, j'avais acheté ce jeu-là, j'avais juste vérifié s'il fonctionnait, j'avais pas le temps d'y jouer, puis à l'intérieur, il y avait une map. Alors, je m'étais dit, mon Dieu, c'est la map des monstres et des armures et des épées que tu peux avoir. Parce qu'à l'intérieur, voici la jolie map, ça a vraiment l'air d'un RPG. Donc on pense vraiment qu'on peut avoir des armures, des épées, que ça a l'air vraiment cool. Mais en fait, ben, non. T'aurais dû te méfier parce qu'il y avait le même soleil que sur le chandelier de ta mère qui a une chandelle en cire. Là. Non, ça a l'air d'être des épées puis des slimes. Mais bref, finalement, non. C'est un jeu de tarot. Un jeu de tarot. Comme une un vidéo, jeu vidéo de tarot. Un jeu vidéo de tarot. Mm-hmm. Et comme en 2013, on dit « une vidéo vaut mille mots », Tommy, j'aimerais ça qu'on regarde ça ensemble. Alors, on peut s'en servir pour répondre à des questions existentielles. Tu veux dire n'importe quelle question existentielle? N'importe quelle question. Genre, est-ce que quelque partie de mon corps que ce soit est assez grosse, mettons? Genre. OK. Mais j'ai décidé de parler de quelque chose de beaucoup plus important. Je rappelle que ce jeu-là est recommandé pour les 14 ans et plus. Parce que, tu sais, c'est de la magie. La magie, c'est occulte. Pas... Il faut pas que tu oublies de dire au revoir aussi quand t'as fini de jouer. Ben oui. Parce que sinon... Alors, j'ai insisté pour le fait de mettre mon nom et ma vraie date de naissance. Le prénom, le nom de famille de jeune fille de ma mère s'en vient plus tard. Alors, la question est la suivante. Pirate ou ninja? Je pense que c'est important. T'as même pas fait sauter la cassette avec ça? Non, ça a bien été. Mais tu vas voir que la cassette saute pas, mais c'est quand même assez incroyable. Pour ceux qui ont des problèmes d'avaler leur langue, fermez les yeux là. Mais, moi pour vrai... Moi, OK, c'est pas pire. Ça, je vais lever qu'on entende la musique comme il faut. Oui, parce que selon les cartes qui vont sortir, il y a des musiques plus ou moins gentilles ou méchantes qui vont nous dire si c'est quelque chose de bon ou pas, mais j'ai pas vraiment compris. Mais là, c'était pas vraiment c'était une question à choix, tu sais. Ben oui, I will deal the card. Alors, voilà. Le jeu va toujours brasser 10 cartes. J'aurais pu lire les instructions pour comprendre qu'est-ce que chaque numéro veut dire, mais On est vraiment dans du mysticisme 8-bit, là. On peut pas être plus dans Écoute, du mysticisme. T'es un kid, tu lis ça au club vidéo, t'es en tabarnak ça pour toute arrivé. La fin de semaine. Ça m'est arrivé. Sérieux? Ouais, on avait été le rééchanger parce qu'on parlait pas anglais tout à fait. Interminable. Puis vous aviez pas 14 ans et plus. Ouais. Alors, la situation est éduquée. Donc, moi, je pense que c'est plus ninja. Et bateau. Mais non, mais... OK, on compte. OK. Toi, hein? Tu comptes, Jonathan. Un ninja. Le passage à travers la difficulté va bien se faire. Moi je pense à un bateau qui vogue. Fait que je pense que c'est plus pirate, ça. Pirate. Ouais. Un pirate. Un. Fait que ça serait un. OK. À date, C'est juste assez intense aussi, le jeu. C'est... Oh non, c'est ça, on sent. Je profite d'un petit instant d'accalmie là, pour mentionner que moi, je suis contre cette idée-là. Que les pirates ou les ninjas. Moi je pense qu'un ninja sur l'eau, ça devient pirate. Moi, je pense que la vidéo a gelé. Non. Non, OK. Ah, ben peut-être la vidéo a gelé du vidéo. On n'a plus les. C'est important. C'est désagréable, ça. Ben, en tout cas, ça avait l'air pas mal intense. Mais c'est super triste, on saura jamais si. Même le jeu veut pas. Ben oui, c'est assez particulier. Veux-tu retourner à ta. Anyway, finalement, on était. Ça repart? Non, la déception est générale, il va falloir... On peut pas retourner à la fin du vidéo. Je vais essayer de l'éteindre puis de le repartir. C'est important parce qu'il y a comme deux phases. Il y a 10 réponses totalement génériques qu'on aurait pu poser n'importe quoi et ça aurait donné n'importe quoi. Suivi. Non, ça veut pas. Non, je suis désolé, Guiz. On va trouver la manière. Là, on est en train de se pratiquer. Mais on a quand même très bien vu l'interface qui était la même affaire à chaque game. Est-ce que tu es obligé de rentrer ton nom, ta date de naissance à toutes les fois? À chaque fois. À toutes les fois que tu as envie d'y poser une question, faut que. C'est important. Trompe de date, ça marche pas, là. Non. je suis d'accord avec toi. Faut que tu sois sincère avec les esprits. Sinon, ça finit mal. Puis ensuite, qu'est-ce qui est le fun? C'est que on aurait... Alors, aller sur YouTube, voir des vidéos de plein d'autres mondes, mais on aurait vu un choix d'État, parce que c'est pour les Américains, mais ils ont eu la délicatesse de mettre l'Ontario, le Nouveau-Brunswick, ainsi le British que Columbia. Le British Columbia. Dans les acronymes à la fin, là, tu choisis ton État, on ne sait pas pourquoi, là, AZ, Arizona et tout. Et à la fin, il y avait ON, BC et NB. Et ensuite, ça te donne tes chiffres chanceux. C'est fou. Tout ça pour un modeste 59,95 dans le temps. Sacré. Non, mais je pense que j'ai eu avec l'inflation du fun pour 60$, même si la vidéo a planté, donc imagine. Et voilà, puis sinon, ça va nous revenir. Merci beaucoup, Guiz. Ben, merci, Tommy. C'était vraiment, encore une fois, génial. J'adore ça, cette idée-là d'aller chercher. Ça nous manquait. Il nous manquait de toi. Regarde, tu vois, Bruno, il fait oui tellement de la face. Et puis là-dessus, tu viens de nous présenter du mysticisme. Puis Tragically Hip, ben, ils ont fait une toune qui s'appelle Poets. Puis ça n'a aucun rapport. On va l'écouter. Merci, on est à 70% puis on revient fêter le Canada. Là. We'll be right back. The stewardess said, both pilots. Can you fly this plane and land it? Surely you can't be serious. I am serious. And don't call me Shirley. Shaman. De retour à la demande populaire. À la demande populaire et shout-out à Stéphanie Bacon Gallagher hein, qui m'a parlé du retour de l'être aimé. De... Ça l'a tout de suite rallumé. Le retour de l'être aimé, ouais. Puis j'étais là, fait que... Shaman! Chronique Shaman! Shaman! Soigne toutes sortes de maladies et d'influences négatives, révèle la face de l'ennemi, 100% garantie. Témoignage réel! C'était très agréable, Shaman! Shaman! De réunion. Il m'a dit qu'il y aura de bonnes occasions et il y aura une croissance de carrière. Il m'a également dit que je vais avoir la chance de travailler avec une entreprise bien connaître. Et oui, j'ai eu une offre d'emploi de l'une des meilleures entreprises au Canada. Yes! Et maintenant, je travaille avec eux. Shaman. Merci, Shaman. Merci, Shaman. Merci, Shaman. Tout, tout puissant, le Shaman. Ah non, on n'a pas besoin de le voir. On vient d'avoir Mystique niveau 6 qui vient de nous passer ça. Une autre bonne nouvelle de la part du Shaman. Purifie les maisons et les bureaux. Ne croyez pas aux sorcières, mais ils existent, sont la vérité. Ne pas oublier. Donc, témoignage réel. Ça fait plus de 4 ans avec la même faute d'orthographe. Témoignage réel. J'ai une belle famille, une fille très sympa qui faisait bien dans sa vie. Jusqu'à ce qu'elle rencontre quelqu'un pour la présenter à la drogue. Et depuis lors... C'est tout croche, c'est dément. Salut, je te présente la drogue. Heureusement, le chaman y arrive. Chaman! Le chaman y arrive. Et depuis lors, sa vie a baissé. Merci, chaman. Chaman! Amazonien, pour votre médecine naturelle, que guérir ma fille. Que guérir ma fille. Que guérir ma fille. C'est tout. C'est tout, ouais. Merci beaucoup, Fred. Tu restes avec nous pour la fin de l'émission. On va écouter un dernier clip de Tragically Hip. C'est Vaccination Scar, puis on revient pour débouler la fin de l'émission. Là, il nous reste encore Jonathan Simon, puis des nouvelles à Bruno. Merci. Prends ça comme habitude, là, chaman. Chaman! And I'm not the saddest cheerleader to forget the American word for the gang in the head that dwindles to no members when the mystery's met. The sky looks threatened, heading home in the dust, singing life is forgetting, good enough for the frivolous. Bad card. C'est du John Locke, ça. Let's go, Bruno. Amène-nous au monde de l'univers. Ah oui, tu caches ta face avec ta bière. Ouais, puis elle est verte, fait que tu sais, ça disparaît. Ouais. OK. Malade! Je vais peut-être te rajouter un niveau, là. Malade! D'accord, alors Jésus Malbeau de Anchorage en Alaska s'était pas mal saoulé à un barbecue et a décidé d'aller faire une ride en bicycle après avoir rempli son sac à dos de viande. Sur son chemin, l'homme de 38 ans a rencontré un ours et a eu la réaction que tout le monde aurait, c'est-à-dire qu'il s'est arrêté et a commencé à lancer des morceaux de viande à l'ours. Ben oui, pour se faire un ami. Oui, c'est ça. Donc, l'ours a commencé par manger des morceaux de viande et s'est ensuite retourné vers Malbeau. Il a été transporté à l'hôpital où il a été traité pour des blessures mineures. Il devra payer une amende de 310$ pour avoir nourri un animal sauvage. C'est illégal en Alaska de faire ça. Hein? Ben oui, tu veux pas qu'il s'en vienne trop proche de la maison. C'est illégal d'être cave, tu sais. Non, ça pas encore. Ça a jamais été illégal d'être cave, Bruno. Non, je sais. T'aurais pas grand-chose à nous jaser, ça que ça mène. Ben, serait pas mal Il y aurait plein de monde en prison, puis parlerait de mon cave à chaque semaine. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Là, la prochaine, ça va être un cave. Plus qu'un, lui, il l'est pas tant que ça, mais en tout cas. Jesse Norton, 61 ans, a été arrêté par des policiers de Surprise en Arizona. C'est toujours ça, c'est pas bien. Il y a une ville qui s'appelle Surprise. Ouais, puis qui s'est fait arrêter. Ouais. pour conduite en état d'ébriété. Le pompier à la retraite qui revenait de la piscine avait les yeux un peu rouges et aurait exprimé ce fait alors qu'il est interrogé par les policiers. Ne le croyant pas, les policiers l'ont arrêté et emmené au poste où son alcotest est revenu avec un taux d'alcoolémie de 0.00. Ah, sacrement, c'est impossible, ça. À ce moment, la nouvelle de sa conduite en état d'ébriété s'était déjà rendue au bureau des véhicules motorisés. Norton a appris qu'il venait de perdre son permis et que sa voiture avait été transportée à la fourrière. Ah ben, sacrement! Qu'il devrait prendre des cours de boire pas trop. Aïe, aïe, puis ça veut dire qu'eux autres, ils étaient fiers d'être efficaces, mettons, Ouais, c'est bon. Les accusations ont plus tard été retirées, bien sûr, mais l'homme qui a été arrêté 10 fois et reçu 4 contraventions dans la ville de Surprise en a assez et a poursuivi la ville cette fois-ci. C'est clairement un cas de DWB, Driving While Black, affirme-t-il. Ça, hein? Ça c'est vrai. Ça va bien, ouais, m'a dit comme toi, c'est lui le moins cave dans l'histoire. Hey, la prochaine, là, avant que je mette la photo, là. Oui, la prochaine, en fait, pour vrai, là, la prochaine, c'est un cas de... Écoutez, je pense que c'est important de parler des vraies affaires, puis je sais que l'été passé, il y a eu beaucoup de monde qui parlait de piscine puis d'enfants, mais attention à vos enfants, ils sont pas en sécurité dans votre propre maison. Ils sont jamais en sécurité. Non, puis je parle pas de piscine cette fois-ci, mais bien de toilettes. Ta-ta-ta-ta. Parce qu'effectivement, il y a une quantité grandissante de garçons qui se squeezent le pénis quand la lunette de toilette tombe sur le bol. Puis il n'y a pas de téléthon qui chante leur souffrance. Ces enfants-là doivent être amenés à l'hôpital pour traiter les blessures encourues. Entre 2002 et 2010, ce type de blessure a augmenté de 100 par année. En 2010... 1707 garçons sont allés à l'hôpital pour ce type de blessure et 97% étaient des garçons de 10 ans et moins. L'autre 3%, je sais pas. T'as des filles avec des gros clitoris. Benjamin Breyer, auteur de l'étude, affirme qu'il s'agit d'un problème, que ce problème s'agit probablement seulement de la tête de l'iceberg, puisque certains parents n'emmènent probablement pas leurs enfants stupides à l'hôpital après ces incidents. Il suggère que les parents de garçons stupides achètent une lunette qui se ferme moins vite ou de switcher à la lunette en U qu'on voit dans les toilettes publiques des fois. Là. Oui, les lifesavers. C'est ça, on se demandait à quoi que ça servait, ça. Ça sauver des vies, même. C'est ça, sauver nos pénis. Sauver nos pénis. C'est la fin de tes nouvelles. Nouvelle. C'est tombé une belle morale là-dessus, Bruno. Hey, ça va nous amener à Jonathan Simon. Tu nous fais une autre chanson, mon gars? Oui, en fait, je vais vous faire une chanson sur un de mes grands fantasmes qui est... La fille de Call TV. La fille de Call TV. On l'a tous fantasmé sur la fille de Call TV, puis on l'a tous appelé en respirant fort. Fait que, tout le monde l'a fait, là. Essayez pas de vous cacher, là. Fait que, après 6 millions d'émissions, comme ça arrive à chaque émission, tous les Québécois ont appelé la fille de Call TV. Ouais, parce que c'est rare que tu passes deux fois à cette émission-là. Ça, c'est vrai.